Exercice 9, page 108. A. C'est un birman. Transformer. C'est une birmane. B. C'est un afghan. Transformer. C'est une afghane. C. C'est un chilien. Transformer. C'est une chilienne. D. C'est un indien. Transformer. C'est une indienne. E. C'est un philippin. Transformer. C'est une philippine. F. C'est un argentin. Transformer. C'est une argentine.